qu'en général, on préfère penser à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, avant de penser à un conseiller en gestion privée. C'est normal. Mais si l'on savait qu'un conseiller en gestion privée est la personne capable de trouver les meilleures solutions pour vous aider à léguer un capital, organiser la transmission de la maison de famille ou la reprise de votre entreprise, on comprendrait très bien que penser à un conseiller en gestion privée, c'est d'abord penser à ses proches. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Ève Ruggieri raconte, c'est le titre d'une nouvelle collection de livres CD que l'on peut trouver en kiosque. Parmi les titres proposés, Franck Ferrand s'est arrêté sur Vivaldi, le prince de Venise. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. La voix d'Ève Ruggieri, nous l'avons tous à l'oreille dès lors qu'il est question de musique. Je suis très heureux qu'elle ait accepté de venir nous parler de Vivaldi. Le compositeur des quatre saisons du Stabat Mater est indissociable de cette cité de Venise, vous savez, de la Sérénissime, qui donne des envies de vacances. Et puis l'époque de Vivaldi. Ce début de 18e, on peut dire, est un peu le... Comment pourrait-on dire ? C'est la période estivale de notre civilisation. Donc ce que je vous propose cet après-midi, c'est une émission estivale et vacancière. Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Samuel sur les origines de la dissertation. Question de saison, oui. Puisque aujourd'hui les élèves du bac planchaient sur l'épreuve de philo. Samuel a cru bon d'ajouter « maudite dissertation ». Il a mis « maudite » entre parenthèses. Je ne suis pas d'accord. Il me semble que la dissertation est au contraire un exercice béni et je tâcherai de vous le prouver tout à l'heure. Pour le moment, trêve de dissertation, place à la musique et à la joie de vivre. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il fallait bien que ça vienne à un moment dans cette émission, alors autant plus tôt que plus tard, voici quelques notes que vous connaissez déjà par cœur. Printemps des quatre saisons de Vivaldi, un petit peu une scie de la musique classique, disons-le, mais ce printemps, il a bien fallu que quelqu'un le compose. Eh bien, le quelqu'un en question, c'est un prêtre vénitien du tournant du XVIIIe siècle. Il est né en 1678, il mourra en 1741, assez tôt donc dans la musique. Il padre Antonio Vivaldi qui, confessons-le, aura préféré composer des opéras, des sonates et des concertos que célébrer la messe. Ce qu'il faut aussi vous préciser d'entrée de jeu, c'est que pendant un siècle environ après sa mort, on n'a quasiment plus entendu parler de Vivaldi, sinon à travers les nombreuses transcriptions et adaptations qu'en a fait un autre musicien de génie, Jean-Sébastien Bach. Vivaldi, c'est Venise, et Venise, c'est Vivaldi, nous dit Ève Ruggieri. On n'y peut rien changer, et c'est très bien comme cela. À Venise, ajoute-t-elle, Antonio Lucio Vivaldi est comme un poisson dans l'eau, ce qui tombe on ne peut mieux pour ce petit bébé né le 4e jour de mars 1678, sous le signe du poisson. Petit poisson deviendra grand ? Pas sûr. Il est si malingre, si pâle, si recroquevillé ce petit bébé que Dame Véronèse, la sage-femme, préfère le baptiser elle-même à tout hasard avant l'église. Cette petite chose a une mère, elle s'appelle Camilla Caricchio, elle est fille de tailleur et d'ailleurs le père aussi est fils de tailleur, Giovanni Battista. Ils sont originaires de Brescia et se sont installés à Venise en 1666. Ça fait donc une douzaine d'années qu'ils sont déjà à Venise au moment de la naissance d'Antonio. Le père s'est fait barbier avant de devenir violoniste professionnel, un violoniste dont la réputation ne va cesser de croître, puisqu'au bout d'une dizaine d'années, il ira jusqu'à exercer son art sous le nom de Rossi à la prestigieuse chapelle ducale de la basilique Saint-Marc. L'une des biographes de Vivaldi, Sophie Rougol, nous dit « D'autres enfants viendront compléter la famille dont Antonio est le premier-né, mais certains, comme Iseppo ou Girolima, mourront en bas âge. Toute la parentèle est dotée du surnom de Rossi, roux, en raison tout simplement de la flamboyance de leur chevelure, un surnom qui se substitue souvent au patronyme réel, notamment pour le père, et qui rend très difficile le travail des généalogistes, et oui, et même des musicologues et des historiens d'une façon générale. Il faut arriver à s'y retrouver dans tous ces Rossi, dans tous ces Rouquins. Le jeune Antonio va très tôt révéler un don pour la musique qui excède alors largement celui de son père. En 1696, il rejoint l'Arte dei Sonadori, la guilde des musiciens de Venise. Il entre à la chapelle ducale. Depuis le début du XVIe siècle, nous précise la chronique, San Marco est le centre d'une activité musicale d'une richesse singulière qui a vu se succéder les Villaer, Traoré, Gabrielli, Monteverdi, Cavalli, etc. et qui cultive en permanence un esprit d'éclat et de modernité. Ça, c'est intéressant parce que précisément cet éclat, et il suffit d'entendre quelques notes, quelques mesures de Vivaldi à chaque fois pour s'en rendre compte, et cette modernité, car il y a chez cet homme l'âme, la vocation d'un inventeur, cet éclat et cette modernité seront, avec la verve inlassable de Vivaldi, ce qui signera littéralement sa musique. Donc, le problème dans cette affaire, c'est qu'il a beau être très très doué pour la musique et son père a beau être lui-même musicien, il ne le destine pas moins son fils à la prêtrise. L'instruction du jeune Antonio a commencé très tôt, un peu avant l'âge de 10 ans, à l'église San Gimignano. On est toujours dans cet extraordinaire décor vénitien. Bien entendu, il faut que vous imaginiez qu'aujourd'hui, nous nous déplaçons surtout avec des embarcations au milieu de canaux pleins de reflets et de jolis balancements. Le vendredi 18 septembre 1693, ce qui veut dire qu'il a 15 ans à ce moment-là, il reçoit la tonsure des mains du patriarche de Venise. Voilà Antonio qui est sous-diacre. 5 mois plus tard, il sera diacre. Il va recevoir l'ordination. Il est prêtre en 1703. Il a donc 25 ans à ce moment-là. Et la même année, il devient maître de violon à l'Ospedale della Pietà, qui est une espèce de conservatoire et d'orphelinat à la fois. C'est un des hauts lieux de la musique vénitienne. Le jeune prêtre n'exercera pas très longtemps son sacerdoce, il faut bien le dire. On a la durée exacte. 3 ans et 8 mois. On ne connaîtra jamais la raison exacte qui l'a poussé à cesser de dire la messe, bien que le compositeur ait prétexté une maladie de poitrine dont il serait atteint depuis sa naissance. Vous avouerez que c'est quand même, ça fait partie de ces explications qui sont pas forcément très crédibles. Roland de Candé, dans un ouvrage qui s'intitule tout simplement Vivaldi, écrit: une maladie de naissance impose des limites que le sujet connaît trop bien. À moins de supposer qu'entre la prime enfance et la prêtrise, cette maladie lui ait accordé un long répit permettant de croire à une guérison totale. Mais comment comprendre alors qu'un perpétuel malade, qui ne pouvait célébrer la messe pendant une demi-heure ni effectuer à pied le moindre déplacement, c'est ce qu'il écrit en tout cas pour expliquer qu'il abandonne les ordres, ait trouvé assez d'énergie jusqu'à la fin de sa vie pour jouer du violon en virtuose aussi souvent qu'on le lui demandait et pour enseigner à une vaste assemblée de jeunes fille turbulente les différentes disciplines de l'art musical pour exercer enfin le métier éreintant d'impresario et composer à une cadence impressionnante, déployer dans la défense de ses intérêts et la conduite de ses entreprises une formidable activité, le tout dans un état de perpétuelle tension nerveuse. Oui, il devait pas être si malade que ça, notre Vivaldi. La vérité, c'est qu'il est très ambitieux, qu'il est parfaitement possédé par cet art extraordinaire. Il va tirer la musique vers des sommets qui jusqu'alors avaient été quasiment inentrevus. Il n'y a pas besoin tellement de justifier l'abandon de Vivaldi lorsqu'on entend ce que vous allez entendre maintenant. Thank you. Vivaldi sur Europe 1, concerto numéro 1 pour 4 violons en ré majeur, extrait de la collection musicale inédite Ève Ruggieri raconte Vivaldi, le prince de Venise, et nous revenons à sa vie avec vous Franck Ferrand. Alors, à la même période, Vivaldi commence déjà à se faire connaître. C'est un nom qui n'est plus du tout inconnu dans Venise. On essaie de se procurer les partitions de ses œuvres qui circulent plus ou moins sous le manteau, parce que évidemment toutes n'ont pas reçu l'approbation officielle. Vivaldi est reçu dans quelques palais, à l'ambassade de France même, y compris pour le grand exercice à la mode de l'époque, ce sont les joutes violonistiques. C'est-à-dire que vous avez des virtuoses qui sont là et qui vont improviser devant un public choisi qui lui-même connaît très bien la musique, qui vont faire un saut d'extraordinaire capacité pour éblouir l'assistance. Et à ce jeu-là, Vivaldi, évidemment, excelle. Il va faire paraître un premier, puis un second volume de ses œuvres. Premier volume en 1705, le deuxième en 1709, dédié au roi de Danemark et de Norvège, un roi scandinave qui est tellement fasciné par ce qu'il reçoit, par la musique de Vivaldi au cours d'une de ses visites à Venise, pour le carnaval, vous savez qu'à Venise, le carnaval s'étend sur une partie non négligeable de l'année, que le souverain va rentrer chez lui en emportant le fameux recueil, et c'est le début d'une, on va dire modeste, mais néanmoins réelle diffusion des œuvres de Vivaldi, cette fois à partir de l'Europe du Nord. Ce deuxième recueil est une bénédiction pour les imprimeurs, évidemment, car il va se vendre à de multiples occasions. En revanche, c'est un problème pour les interprètes, parce qu'il faut arriver à suivre cette partition extraordinaire, bien entendu. Fait étrange, nous raconte Sophie Rougol, la trace du compositeur se perd entre 1709 et 1711. C'est vrai que ça fait partie de ces mystères, vous savez, dont l'histoire a le secret. On n'a aucun témoignage pendant ces deux années de la présence de Vivaldi à Venise. On sait simplement qu'il va faire un séjour à Brescia, c'était la région originaire de sa famille, vous savez, en février 1711. Mais enfin, ça veut dire quand même qu'il y a 18 mois de passé depuis qu'il a disparu de tous les radars. Vivaldi disparaît des registres de la Pietà, il ne reparaît donc qu'à compter de 1711. Comme pour les autres disparitions du compositeur, parce que sa vie sera émaillée comme ça de ces zones d'ombre, des hypothèses ont été suggérées. On a cru retrouver sa trace à tel ou tel endroit, dans telle ou telle occasion. Évidemment, ça c'est pain béni pour tous ceux qui aiment les mystères, et notamment pour les musicologues qui essaient de trouver trace de Vivaldi dans les périodes où il a tendance comme ça à disparaître. Les années qui suivent, 1711, 1712, 1713, pour vous donner un repère, on est tout à fait à la fin du règne de Louis XIV en France. Ces années sont décisives pour la carrière de Vivaldi, avec la publication d'un troisième registre de composition qui va le confirmer comme un des acteurs majeurs de la scène instrumentale. Et par ailleurs, c'est à cette période que le prêtre roux, comme on l'appelle, prete rosso, s'associe à Francesco Saturini comme impresario du théâtre Sant'Angelo. Il va créer à Vicence son premier opéra, ça s'appelle Ottone in Villa. C'est pour Vivaldi alors une nouvelle dimension, bien entendu, cette entrée dans l'opéra. On est à une période où l'opéra est loin d'avoir encore acquis toute sa maturité, bien entendu. Il faut inventer des formes nouvelles. À 35 ans, Antonio Vivaldi peut désormais régner, nous dit Rougol, violoniste virtuose, compositeur de musique religieuse, instrumentale et d'opéra, entrepreneur de spectacle enfin établi sur sa propre scène. Le peu de témoignages laissés par le compositeur sont consacrés pour une bonne part aux affres du métier d'impresario que Vivaldi n'exerce, parfois sous des noms d'emprunt, que pour pouvoir montrer comme il le souhaite, comme il le souhaite, ses propres compositions. Je m'engage franchement dans de telles entreprises, risquant mes propres deniers et sans avoir recours à des emprunts. Ça, c'est toute la grande question, être capable de faire jouer les œuvres telles qu'on les a imaginées, telles qu'on les a voulues, avec toutes les distorsions possibles. Et il faut compter avec, évidemment, le tempérament, le caractère des interprètes, qu'il s'agisse des musiciens ou surtout des chanteurs, et je devrais dire des chanteuses. Et ça, je regarde Ève Ruggieri en disant ça, je pense que ça n'a pas tellement changé. Du reste, monter ce genre de spectacle est toujours quelque chose de très éprouvant pour les nerfs, bien entendu. Alors, l'activité d'impresario de Vivaldi est connue de tous, mais il ne l'exerce toujours que dans une sorte de semi-clandestinité. Ça fait partie de l'ombre chez lui. Il est toujours attentif à mettre en valeur ses fonctions à la Pietà, les titres de maestro di cappella, il est maître de chapelle de plusieurs altesses. Il va essayer de s'abriter dans son activité d'impresario et de monteur de spectacle. Il va s'abriter derrière toutes sortes de prête-noms. Modotto, Mauro, Santelli, Orsato, Orsati, Giovanni Battista Vivaldi, etc. Qui sont les complices de celui qui devient peu à peu, disons-le, un véritable homme d'affaires. Il y a chez Vivaldi, vous avouerez que lorsqu'il prétextait être malade et trop malade pour exercer la fonction de prêtre, les fonctions de prêtre, il y a de quoi sourire. Il y a chez lui une sorte d'extraordinaire énergie à toute épreuve. Il est là qui constamment compose et compose et compose encore, de sorte que sa réputation va bientôt s'étendre au-delà des frontières. Des musiciens comme le violoniste allemand Georg Diemann Pisendel vont voyager jusqu'à Venise uniquement dans l'espoir de rencontrer Vivaldi. Alors on connaîtra ça plus tard évidemment avec Mozart, avec Beethoven bien plus encore, mais dans le cas de Vivaldi, je me permets de vous rappeler encore l'époque à laquelle nous nous trouvons. On est au tout début du XVIIIe siècle. Il n'est pas très fréquent à l'époque que les compositeurs soient, si je puis dire, des vedettes. En 1718, le prince, le landgrave exactement, Philippe de Hesse-Darmstadt, dont la cour est établie à Mantoue à ce moment-là, ce prince va nommer Vivaldi maître de chapelle et de chambre, titre dont il va pouvoir se prévaloir dans les éditions de ses œuvres. Ça compte beaucoup, je ne vous l'ai pas dit, mais pendant ce temps-là, il continue à éditer ses œuvres. Vous savez qu'à l'époque, il n'y a pas de disque, évidemment. Donc le moyen de faire connaître la musique, c'est d'éditer des partitions, tout simplement. On en est déjà, à ce moment, à la huitième registre des œuvres de Vivaldi. Et puis, de 18 à 23, il disparaît de nouveau des registres de la Pietà, probablement du fait de son poste à Mantoue, mais on ne peut pas l'affirmer. Probablement aussi parce qu'il est complètement absorbé par la composition, notamment par l'opéra. Deux ans après son retour de Mantoue, il va entreprendre un voyage à Rome, cette fois, avec une recommandation expresse de la princesse Borghese, ça peut toujours servir. Sophie Rougol nous dit, parti pour Rome à la fin de l'année 1722, Vivaldi y restera jusqu'en mars 1723, et il reviendra à Venise, puis repartira pour Rome au moment du carnaval 24. La période de carnaval, que ce soit à Venise, à Mantoue, à Rome, c'est la grande période des festivités dans toutes ces villes. C'est le cas à Paris, on connaît la même chose chez nous à la même époque. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous voulez faire connaître des œuvres nouvelles, il vaut mieux que ce soit en février, mars, enfin au moment du carnaval. Alors, il y a cette rencontre célèbre avec le pape Benoît XIII. Roland Candé nous dit « Le second séjour approche de sa fin lorsque le pape manifeste lui-même le désir d'entendre Vivaldi. Pour le prêtre irrégulier, l'impresario douteux, au mystérieux parfum de scandale, c'est la consécration inespérée. Il est reçu avec la plus grande bienveillance au Vatican. » Soit que le pontife ait ignoré les égarements du prestigieux musicien, soit qu'il ait voulu accorder plus de prix aux rares mérites professionnels de son hôte qu'aux trop classiques vertus que celui-ci pourrait avoir négligées. Comme c'est qu'en termes élégants, ces choses-là sont dites. Vivaldi va rentrer à Venise, il y vient constamment, c'est son aimant, c'est sa vie, c'est sa raison d'être d'une certaine manière. Il va rentrer donc au début de l'été 1724, il va rester là pendant 4 ans environ, et c'est à ce moment-là qu'il va faire la rencontre importante, qu'il va faire la rencontre de grâce d'une vie qui pourtant en compta un certain nombre. C'est là qu'il va entrer en contact avec Anna Giraud. Avec un court extrait du concerto pour flûte, extrait de la collection musicale inédite Ève Ruggieri raconte Vivaldi le prince de Venise en kiosque depuis le 28 mai. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous Franck Ferrand à la vie d'Antonio Vivaldi. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie d'Antonio Vivaldi. Alors, je vous parlais de cette belle Anna Giraud. Elle est toute jeune, elle a 15-16 ans, au moment où elle va incarner le rôle principal dans le nouvel opéra de Vivaldi, qui lui-même a maintenant une bonne cinquantaine d'années. Et elle va devenir mieux que la cantatrice fétiche. Elle devient la secrétaire de Vivaldi, elle devient son accompagnatrice dans les voyages, son accompagnatrice dans la vie, carrément une sorte de super gouvernante, si l'on veut. Alors, vous imaginez que tout ça fait jaser. Évidemment, cette toute jeune personne qui vit dans l'ombre de ce prêtre qui plus est quinquagénaire, ça pose des problèmes. Et d'ailleurs, dans une lettre très célèbre qu'il a écrite à l'occasion le cardinal Ruffo devait le recevoir à Ferrare et puis finalement il y renonce. Et à ce moment-là, Vivaldi écrit une lettre, il dit « Monsieur le nonce apostolique m'a ordonné au nom de son éminence Ruffo de ne pas aller à Ferrare pour donner l'opéra, et cela sous prétexte que je suis prêtre et que je ne dis pas la messe, et parce que j'ai l'amitié de la cantatrice Giraud, justement. Son éminence Ruffo impose à ces pauvres femmes une tâche dans le sens un blâme, si vous voulez, dont jamais le monde ne les avait marqués. Depuis 14 ans, nous sommes allés ensemble dans de nombreuses villes d'Europe, et l'on admira partout leur honnêteté. Ferrare peut en témoigner suffisamment. » Ce qui est certain, c'est qu'ils ne vont jamais habiter véritablement ensemble et qu'on n'ait pas de témoignage très clair d'autre chose que d'une très forte amitié tout à fait paternelle de Vivaldi pour Anna Giraud. On verra dans un instant ce qu'en pense Ruggieri, qui fait une moue déjà très éloquente. Pour l'instant, Vivaldi continue de composer. Son nom désormais flamboie en Italie, même dans toute une partie de l'Europe. Il est un peu partout et nulle part. Vous savez, il mène la vie de ces compositeurs, de ces hommes de spectacle et de musique qui voyagent beaucoup. On se dit, entre parenthèses, qu'ils n'ont cessé de voyager à une époque où c'était tellement compliqué et où ça devait être tellement fatigant. On le voit un peu partout. Alors, je ne vais pas vous faire l'inventaire complet des destinations de Vivaldi. Ce qui est certain, c'est qu'à plusieurs reprises, on perd sa trace. Par exemple, de 1729 à 1731, de nouveau, on ne sait pas exactement où il est, ce qu'il fait. Il rentre à Venise au début de l'année 1733. Il va enchaîner les opéras à ce moment-là, quasiment jusqu'à la fin de la décennie. Et puis en 1740, l'électeur de Saxe vient à Venise et un grand concert est donné en son honneur. Et ça, ce sera le dernier des grands concerts prestigieux auquel Vivaldi sera amené à participer. Après quoi, on le voit partir pour Vienne. Pourquoi partait-il pour Vienne? Il est probable qu'en fait, Vienne n'ait été qu'une étape sur le chemin de Dresde, parce que justement, après avoir fait la connaissance de ce prince électeur de Saxe, il est possible qu'il ait été invité à Dresde. Mais en tout cas, c'est à Vienne que le surprend la mort de l'empereur Charles VI. Il est assez seul, Vivaldi, à ce moment-là. Il est sans emploi et il va tomber malade. Quand je dis qu'il va tomber malade, on est en octobre-novembre 40, il est même tellement malade qu'il meurt en juillet 1741 dans la maison Salter de Vienne, à l'emplacement de l'actuelle 38 Kärntnerstraße. On est tout près de l'hôtel Zahrer, pour ceux qui connaissent Vienne, on n'est donc pas loin de l'opéra. Opéra très, très 19e et même très 1900 de Vienne. Mais en tout cas, c'est dans ce quartier-là que disparaît Vivaldi. Quand je dis disparaît, c'est au propre et au singulier. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Vivaldi, une fois décédé, c'est le silence qui retombe sur cette œuvre et sur cette vie extraordinaire. On pourrait presque dire que la mort du prêtre roux est passée quasi inaperçue à Venise et qu'elle est passée complètement inaperçu à Vienne. Voilà un homme qui va mourir quasiment ignoré de tous, loin des siens. Et le plus étonnant, c'est que l'espèce de relégation dans laquelle on le voit sombrer va durer, va même s'éterniser pendant près d'un siècle. Thank you. Quitolis, Peccata Mundi du Gloria en ré majeur de Vivaldi, bien entendu avec le chœur et l'orchestre Pro Musica de Stuttgart sous la baguette de Marcel Courreau. Bonjour Evrugieri. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être ici. C'est toujours une fête quand vous venez et c'est d'autant plus la fête qu'aujourd'hui Vivaldi nous accompagne avec ses accents extraordinaires. Dans un instant, nous revenons sur toutes les questions que j'ai laissées en suspens et c'est vrai qu'elles ont été nombreuses pendant ce récit. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi d'Antonio Vivaldi, Franck Ferrand, avec votre invitée Eve Ruggieri, journaliste de musique classique et conteuse. Et musicienne elle-même, et conteuse, alors oui, quelle conteuse. Merci encore une fois Eve d'être ici. Alors, ce Vivaldi est un personnage, on l'a compris, un petit peu sulfureux tout de même. Ce prêtre qui donne des leçons de musique à toutes sortes de jeunes filles, qui vit plus ou moins maritalement avec cette belle Anna Giraud. Vous me disiez que au moment de sa mort à Vienne, il est possible qu'il n'ait pas été si seul que ça. Il est possible, elle chantait non loin de l'endroit où il va quitter ce monde, il est possible qu'elle ait été auprès de lui. Moi, je le souhaite du plus profond de mon cœur, parce que c'était l'un de ces êtres dans le XVIIIe siècle formés, qui savent tout faire, et qui, à une époque où on n'imagine même pas ce qu'était l'état des routes, ni des auberges où on s'arrêtait, qui étaient remplies de puces, de tout ce qu'on peut imaginer, punaise, enfin, où on dormait horreur. Entassés les uns sur les autres, et qui font le tour du monde. Lui a beaucoup bougé en Italie, et malheureusement, il a quitté l'Italie, ce qui a signé presque son arrêt de mort. C'est assez étonnant parce que nous vivons dans une époque assez trépidante et certains d'entre nous passent du temps à se plaindre du surmenage, oui, de l'extrême activité, de tout d'ailleurs. Oui. Mais il faut voir ce que lui peut faire quand même. J'entendais ce matin les étudiants qui se plaignaient d'avoir dû se lever un peu plus tôt. moi qui me lève tous les matins à 6h depuis 6 ans d'ailleurs et qui ai fait ça toute ma vie, je compatissais grandement, oui, comme vous l'imaginez. Oui, bien sûr, nous sommes tous pleins de commisération. Oui. Ces gens de l'époque faisaient des choses incroyables. Et dans le cas de Vivaldi, on le voit monter des spectacles, diriger des orchestres. Mais avec son argent. Tout ça. Donc en même temps, pour financer ses opéras, il avait monté une sorte de tripot. Ouais, hein, il y avait des jeux, un casino. Alors il y avait ça. Il y avait le fait qu'il était tout le temps entouré de femmes. Dont la jeune et charmante, on a un portrait d'elle où elle est ravissante, Anna Giraud, dont les Vénitiens avaient dit, il l'appelait la Nina del Prêtre Rosso, parce qu'il l'appelait Anina. La petite du prêtre. Voilà, la petite Anina du prêtre roux. Et il y avait tout ça, mais moi je crois véritablement que ce qu'il a condamné, c'est l'Église. C'est l'Église, parce que pas du tout parce qu'il était avec Anna Giraud. Les prêtres ne faisaient que ça à l'époque. Donc vraiment, oui. On entrait en religion parce que c'était le moyen d'avoir des protecteurs riches et de s'infiltrer. Un prêtre au XVIIIe siècle à Venise pouvait donner des leçons particulières chez les plus grandes familles. C'était l'entrée dans les grands palais vénitiens. Donc il pouvait faire ça. Il pouvait, ce qu'il a fait, professer à l'Ospedale della Pietà, où il y avait toutes ces petites jeunes filles qui étaient nées dans l'illégalité. Enfin, en général, dans des conditions dramatiques, et qu'on entassait là pour avoir un orchestre tout prêt pour qu'on puisse s'exercer. Donc il y avait tout ça, mais il avait surtout monté un opéra qui était un opéra qui parlait d'une justice bien avant la Révolution, donc ça avait fait un peu désastre. C'est une pièce qui avait été interdite. Il s'est passé avec Vivaldi ce qui s'est passé avec Mozart lorsqu'il a choisi de monter la pièce de Beaumarchais, avec le Figaro qui chante « Signor Contino, se vuol baliare. Signor Contino, je vais te faire danser la cabriole, moi, Seigneur Petit Comte, devant l'empereur d'Autriche et ses invités. » Donc, il y avait déjà un peu ça chez Vivaldi. L'Église était toute puissante. Et c'est l'Église qui va coincer Vivaldi. C'est pas tellement les histoires de jeunes filles, ni Anna Giraud. C'est surtout qu'il avait choisi un sujet qui avait été interdit. Et à partir de là, on a commencé à le regarder d'un autre œil. La police de l'Église qui surveillait tout ça très étroitement à Venise. J'allais dire, la police tout court, puisqu'à Venise, tout ça est intriqué. C'est très présent. Venise, cette ville magnifique, à l'époque, était une ville très contrôlée. Cette république, alors on emploie toujours ce terme de république, parce que c'est objectivement, depuis très longtemps, à l'époque, depuis plus de 800 ans, c'est déjà une république. Mais elle n'était pas. Mais république, pas au sens démocratique du tout. C'est une espèce d'oligarchie extrêmement dure, en fait. Absolument. Avec, en même temps, des abus dans tous les genres, notamment au moment du carnaval, qui permettait des Vous savez, les carnavals, sous masque. Carnaval, ça vient de carnet levare, c'est la chair ôter, ce qui veut dire, c'est une belle image, qui veut dire qu'on se débarrasse de tout ce qui fait la bonne conduite en société pour se livrer à tout ce qui ne la fait pas. Donc c'est ça, c'est on le ouvre côté, les vannes. On ouvre tout, on enlève tout et on est soi-même dans ce que l'on est. Et on est à cette période extraordinaire de la fin du XVIIe, alors qui chez nous évidemment a été couverte d'une sorte de chape de plomb par cette interminable fin du règne de Louis XIV, mais oui. qui en Italie d'une façon générale et à Rome, et à pardon, Venise. Venise, c'est vrai de Rome aussi, mais à Venise en particulier, a été flamboyante. Mais Venise était richissime à un point qu'on ne peut pas l'imaginer aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était l'escale de tous les grands navires qui partaient de l'Inde, qui transitaient par, quand on dit les fameux paravents de Coromandel, Coromandel c'est en Inde, c'est pas en Chine, on dit chinois de Coromandel. Les lacs partaient de la Chine, s'arrêtaient à la pointe de l'Inde à Coromandel et aboutissaient à Venise. Et là, Venise était la ville la plus riche, je dirais pas du monde, mais pratiquement. Avec une sorte de frénésie de vivre qu'on trouve dans les pièces de Goldoni, par exemple. Hein, qui, c'était le plaisir dans tous ses sens. Sous toutes ses formes. Voilà, c'est toutes ses formes. Et avec une sorte d'appétit extraordinaire qu'on retrouve dans la musique de Vivaldi. Mais exactement. Si vous voulez, Vivaldi, c'est le baroque d'une certaine manière. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ces temps qui sont un peu moroses, on en conviendra, qu'est-ce qui fait que le baroque est revenu avec une telle force? C'est que c'est l'art d'avoir d'un côté la virtuosité. Et Vivaldi est un violoniste extraordinaire. C'est très difficile à jouer les quatre saisons. C'est devenu, pour certains, un passage, comme vous le disiez, une scie, parce que c'est très très mal joué la plupart du temps. Mais c'est très difficile à jouer. Donc, d'un côté, et dans l'opéra, c'est multiplié par mille. Vous avez, comme aujourd'hui, Bartoli, qui est capable de faire toutes ces arpèges, ces tris, enfin, ces acrobaties. Elle s'épanouit au milieu avec de deux toutes ces vocales. Fioritures. Oui. Il y a ces morceaux de bravoure qui faisaient se dresser le public, qui applaudissaient les castrats, qui faisaient, enfin bon, on les couvrait d'or et de diamants. Et de l'autre côté, enchaîné très vite, vous avez d'un seul coup une aria qui est déchirante de sensualité, de nostalgie, où on avait les larmes aux yeux, et ça repart. Il n'y a jamais de temps mort. Moi, je dis toujours, ça swing, Vivaldi. Mais ça swing vraiment. Moi, je le passe et de temps en temps, on s'amuse à danser avec un camarade dans le studio qui me rejoint le matin. Et il y a ça, il y a cette espèce de dynamisme qui mélange le désir d'avancer dans la société, de gagner, de montrer ce qu'on sait faire et en même temps, le cœur qui est là aussi, qui bat, et l'amour. L'amour que va, je l'espère, vivre Vivaldi. Cette époque baroque est une époque de théâtre. On le voit très bien avec l'architecture, hein, une architecture qui est faite pour magnifique. Impressionner. On le voit avec la sculpture, hein, avec notamment ces sculptures du Bernin qui vont juste préexister à l'œuvre de Vivaldi de quelques décennies seulement, et où on voit ces larmes sur les statues. Hein, tout est dans l'émotion. Et c'est pareil en Autriche, quand on voit les églises baroques autrichiennes avec les stucs. Bon, en Italie, bien sûr. Eh bien, en musique, c'est la même chose. À Naples, c'est somptueux. Tous les baroqueux qui venaient de Naples allaient chanter les petits castrats, ils allaient veiller les morts pour gagner un peu d'argent de poche, si j'ose dire. Et ils étaient au milieu de ces anges baroques, ruisselants d'or, de dorure, avec un savoir-faire des artisans d'art. Et puis de tous ces festons, de ces lambrequins, de cette efflorescence de feuilles d'acanthe. Trop, c'était pas assez. Ah, voilà, c'était bien trop, c'était bien maigre, en fait. Oui. Soit encore plus, fait que soit ébouriffant. Et la musique est comme ça. Avec l'envie aussi de se rapprocher d'un certain naturalisme, il faut que ça ressemble un peu à la. Il y a ce magnifique Christ étendu tout en marbre blanc avec le plissé du drapé qui donne l'impression qu'il est transparent et qu'on voit la chair. C'est Velato, ça c'est à Naples, c'est fabuleux. C'est à tomber de beauté et la beauté, ça fait vivre le monde. Et chez Vivaldi, je vous propose d'écouter par exemple l'Orage, extrait de l'automne des quatre saisons. Avec les violons, il arrive à donner l'impression du grondement, du tonnerre et de tout ça. Thank you. j'extrayais ça de l'automne, mais c'est de l'été, hein, c'est le dernier mouvement du mouvement l'été des quatre saisons de Vivaldi. Avec le presto. Les éclairs comme on ça a l'impression qui partent. Mais on a la même chose dans chacun de ces concertos, hein, c'est mais toujours très expressif. Mais il y a une joie de vivre dans fait, tout ouais. ça. Il faut écouter Vivaldi quand on est triste. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Sur Europe 1, un extrait du Stabat Mater, extrait de la collection musicale inédite Eve Ruggieri raconte Vivaldi le prince de Venise en kiosque depuis le 28 mai. Ça, c'est absolument sublime. Mais c'est magnifique. Là, on voit les liens très forts avec Jean-Sébastien Bach, pour le coup. Oui, parce qu'il y a... chez Bach, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a Bach reprend beaucoup Vivaldi, d'ailleurs. Quand il fait la cantate du café, c'est pas le Bach qu'on nous propose à l'école avec une perruque mitée, un vieux monsieur Bougon. C'est un monsieur qui s'amuse, qui se bat en duel avec un de ses élèves. Enfin, le but de cette collection, c'est de redonner les grands compositeurs à ceux qui les écoutent, ce qu'ils étaient vraiment dans la vie et pas ces bustes qu'on voit partout ailleurs. Quand je vois Beethoven, qui quand même a séduit toutes les plus belles femmes de son temps, que je le vois dans ce buste vieillissant, hirsute, ça vous donne envie d'écouter sa musique, là, franchement. C'est bizarre qu'on ait voulu... C'est pas ça du tout. On a voulu, en quelque sorte, ranger tous ces gens-là dans des espèces de caisses poussiéreuses. Voilà, c'est les gloires. Mais c'était pas ça. Ils ont été jeunes, ils ont été adolescents, ils ont eu des échecs, ils ont souffert des peines de cœur, ils ont perdu des êtres chers, ils se sont amusés. On a des facture de commande de vin, de barrique de vin de Bach, où on se dit, ben, il s'ennuyait pas toujours, il a fait 22 enfants à son épouse, qui prouve qu'il n'était pas tout le temps dans ses partitions. Faut arrêter. Dans le cas de Vivaldi, il y a évidemment toujours quelque chose d'un peu caché, du fait de son statut, du fait de la société très difficile dont on parlait Mais à Venise. Les gens l'adoraient, le public était fou de Vivaldi. Parce que d'abord, c'était un grand interprète. On lui jetait des bouquets de fleurs et puis il avait engagé quelques-uns des plus grands castrats. Vous savez, les castrats, nos vedettes aujourd'hui, ne gagnent pas. On dit qu'ils gagnent des sommes folles, Gizé et autres. Mais à côté de ce que gagnaient les castrats, c'est rien du tout. Donc c'est cette époque-là, qui est une époque où on adorait la musique, et elle faisait partie de la vie. On a envie de dire que les accidents de la vie étaient quasiment recherchés, magnifiés, mis en scène. Il y a chez Vivaldi une sorte d'exaltation de l'émotion, il nous en fait, hein, l'émotion. Et voilà. Et ce Stabat Mater qui est une beauté. Alors il faut expliquer pour certains de nos auditeurs qui ne sauraient pas forcément le Stabat Mater, c'est la lamentation de la Vierge au pied de la croix. Voilà, en fait, qui vient de prendre le corps de son fils sur ses genoux et qui pleure et qui en pleure la mort, bien sûr. Donc et ça doit être déchirant, poignant et ça l'est en l'occurrence. Quand on écoute ça et qu'on est une mère, on est bouleversé. C'est ça qu'ils nous racontent. Ils nous racontent nos vies, à part que comme ils ont du génie, ils les magnifient. Ils les enchantent, ces vies. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette émotion-là, c'est ce déchirement, on puisse le ressentir tant de siècles après. Or, et ça c'est un des mystères aussi, Dieu sait qu'il y en a, qui émaille l'existence de Vivaldi, il va littéralement disparaître pendant près d'un siècle, en fait. Sans les Allemands qui vont le remettre à la mode. Oui, curieusement. Oui. Dans les années 60. Vous imaginez, bon alors après d'un seul coup il va y avoir les quatre saisons et dans tous les restaurants on ira manger un déjeuner, dîner, souper avec Vivaldi mal joué, donc en dégoûté la terre entière. Mais alors... Dieu merci, les baroques sont revenus et ils ont remis ça à la mode tel qu'on le jouait à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a eu deux, on peut dire que vraiment il y a eu deux familles d'interprètes de Vivaldi dans les années 70-80. Là, je parle du oui, siècle, du 20e siècle, hein, oui. de celui juste avant le nôtre en tout cas. Et il y a eu la période d'incroyable popularisation des choses avec comment s'appelaient ces musiciens qui jouaient avec des instruments électriques, vous savez, là, qui avaient des fausses perruques et tout ça. C'était assez extravagant. Ça va me revenir, ça, mais c'était, ils sont tous trop jeunes en régie. Ils me regardent avec de grands yeux, alors que ça a été quand même des superstars. Ils jouaient, bon, bref, ils étaient à la tête du top 50 au début des années 80. Et puis, à côté de ça, il y a eu effectivement toute cette école de la musique baroque qui redécouvre les instruments, qui redécouvre les partitions, qui va rechercher les effets d'origine et qui, eux, vont dans... Et ça change tout. Eh oui. Moi, j'ai actuellement, je vais monter un spectacle le 18 juillet sur le Marquis de Sade, puisque c'est le 200e anniversaire de sa mort. Et j'ai engagé un groupe de danseurs de hip-hop qui viennent de Lyon, où il y a une école de hip-hop formidable. Eh bien, les jeunes qui écoutent, là, qui sont derrière la vitre, ils ont fait des chorégraphies sur Mozart, sur Rossini. C'est la 2e ou 3e année que je les engage. Et ça rentre dans les opéras et ça s'intègre formidablement bien. Parce que il y a, dans tout ce répertoire baroque, il y a ce que je disais, un rythme incroyable. Ça swing vraiment, ça bouge vraiment. Et en même temps, de temps en temps, il y a ces airs comme ça qui vous font frissonner tellement c'est beau et personne ne peut résister à ça. Alors en évoquant tout à l'heure à la Calavalière, très rapidement l'existence de Vivaldi, je me suis permis souvent de dire il compose, parce qu'on se dit mais quand et où a-t-il trouvé le temps et l'inspiration de composer toutes ces sonates, tous ces concertos, plus de 300 œuvres pour violon. Mais ils sont tous pareils. Quand on voit la production de Handel, c'est hallucinant. Vivaldi, Handel, enfin un grand nombre. Si vous voulez, à partir de Lully, qui est italien quand il arrive à la cour de France, et jusqu'à Mozart. Mozart, ça va être, on va entrer dans une autre écriture. On sort du baroque. Mais il y a sa fourmille de compositeurs qui écrivent comme ça. Et on va aller au 19e siècle, Rossini. Rossini qui faisait un opéra, il écrivait l'ouverture en 26 minutes. C'est-à-dire qu'il écrivait plus vite que son copiste. Facilité extrême et en même temps une facilité qui s'appuie sur beaucoup de travail, toujours, bien sûr. Oui, et puis quand même un don extraordinaire. Et puis des années d'apprentissage. Alors, tous ces grands compositeurs, vous nous les racontez justement dans ces coffrets, hein, qui s'appellent Ève Ruggieri raconte, tout simplement. Oui. Ces coffrets avec à chaque fois deux CD qui nous permettent d'avoir accès directement à la musique. Ça, c'est très agréable et pratique parce que c'est bien de lire et d'entendre raconter la vie de quelqu'un, mais c'est encore mieux lorsqu'on peut vous nous raconter les merveilles du Stabat Mater. Ben, si on peut les écouter tout de suite voilà, et les avoir à l'oreille, c'est nettement mieux. Le mieux, c'est même d'avoir le disque qui tourne pendant qu'on lit la vie du personnage. Et comme ça, on aura à la fin, c'est-à-dire en novembre prochain, 30 coffrets qui regroupent tout ce que la musique a écrit de plus. J'ai choisi évidemment, excusez-moi pour le terme, mais les tubes de ces grands compositeurs. Bien sûr, bien sûr. Et on aura cette collection avec les meilleurs interprètes. Là, on a écouté tout à l'heure. Donc il y en a 30, hein, c'est ça ? Il y en aura 30. Pour l'instant, on est au 7e, je crois. Donc ça fait une sorte de bibliothèque. Beaucoup de travail. Oui, pour vous, beaucoup de travail, mais pour nous, beaucoup de plaisir. Et une bibliothèque complète de ces grands compositeurs de et la musique dite classique. C'est embêtant qu'on parle toujours, je disais ça avec un autre invité l'autre jour, on parle toujours de musique classique. D'autant plus que là, en l'occurrence, c'est pas tout à fait de la musique classique, c'est de la musique ancienne, plus exactement, si oui, on veut parler de Vivaldi. Mais parce qu'on a retiré au beau mot classique tout ce qu'il avait justement qui devrait avoir d'attirant et d'excitant, les lettres classiques. C'est une belle expression. Ce terme, en fait. Et classique, bon, d'un seul coup, on y va sur la pointe des pieds avec un respect que tous ces compositeurs ne demandaient pas. Ils demandaient que la joie qu'ils mettaient sur leur partition ou la tristesse qu'on pouvait partager avec eux, c'est tout ce qu'ils demandaient. Ils ne demandaient rien d'autre. En fait, pour que toutes ces œuvres continuent de vivre, il faut qu'il y ait des gens qui les aiment. Oui. Et pour que les gens les aiment, il faut qu'ils puissent qu'ils les découvrir. Voilà. Et, oui. Et ça, c'est votre travail, Ève Ruggieri. Oui. Et ça, c'est magnifique, en fait. Depuis longtemps. On espère que certains de nos auditeurs vont avoir la bonne idée de prendre ces 30 albums. C'est pas cher en plus. Ouais, bah voilà, j'ai souhaité que ce soit pas cher. Et de les faire connaître à leurs enfants ou petits-enfants, tout simplement, hein, pour qu'il y ait que ne se perde pas le lien avec tous ces génies. En et qu'ils soient autant de conteurs, comme moi, pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, les attirer vers ces musiques. Oui, ils en font ce qu'ils veulent, mais c'est des musiques de plaisir. Qu'ils leur expliquent que la vie de Vivaldi, de Mozart ou de Beethoven... C'est pas du tout ce qu'ils ont imaginé, pas du tout. Ou ce qu'on a écrit par respect. Et peut-être qu'ils ne demandaient pas tellement de respect, mais beaucoup plus d'amour. tout simplement. Ève Ruggieri raconte donc plus de 2 heures de musique en 2 CD. C'est ce que nous venons d'évoquer, c'est le volume qui s'intitule Antonio Vivaldi, le prince de Venise. C'était un prince qui n'a pas toujours été intégralement à l'honneur, au demeurant. Merci beaucoup Ève Ruggieri d'être venue nous en parler. Merci beaucoup. J'ai beaucoup cité Sophie Rougol tout à l'heure et je tiens à citer le très joli petit ouvrage qu'elle a publié chez Actes Sud dans la collection Classica justement, très qui s'appelle tout simplement très bonne collection, Antonio Vivaldi, au seuil de Roland de Candé, le Vivaldi qui est une qui biographie est aussi, et puis très bien illustrée. La grande biographie Fayard, Antonio Vivaldi avec de longs développements justement sur la naissance du baroque et sur ce que signifiait ce mouvement là. C'est de Sylvie Mamy. C'est donc édité chez Bayard. Chez Fayard. Merci beaucoup, Ève Ruggieri. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Samuel. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il aimerait connaître l'origine de, dit-il, la maudite dissertation. Oui, pour lui, pourquoi en tout dit-il cas. La maudite? Parce que ça fait peur peut-être à certains élèves. Et en même temps, je trouve que c'est le lieu d'expression par excellence, cette dissertation. C'est beau la dissertation, il faut apprendre à l'aimer, c'est comme le reste. Alors évidemment, au départ, il s'agissait de ce qu'on appelait la disputatio, hein, la célèbre discussion médiévale. C'était un exercice de rhétorique extrêmement formel qui servait dans les universités donc du Moyen-Âge, qui servait d'examen. Donc c'était une dispute, c'est-à-dire une discussion argumentée entre un professeur ou un collège de professeurs et l'élève qui venait passer sa dissertation. Ça devait faire très peur, hein, bien entendu, il fallait. Alors il y avait toutes les phases. D'abord, il y avait ce qu'on appelait la captatio benevolentia. Il fallait aller chercher la bienveillance du public. Et puis ensuite, il y avait la disputatio à proprement parler, etc. Et puis le maître concluait le débat dans ce qu'on appelait le determinatio. Bon, etc. Au XVIIe siècle, cette dissertation orale va devenir une dissertation écrite. Alors forcément, c'est tout de suite moins rigolo. Et puis, vous savez, dans ces grands collèges du XVIIe siècle, ça prend, notamment sous la férule des jésuites, bien sûr, ça prend un sens un peu sévère, cette dissertation qui obéit à des formes de plus en plus strictes, qui laissent de moins en moins de place à l'originalité, bien entendu. Il y a toujours l'introduction, la thèse, l'antithèse, la conclusion en forme de synthèse, etc., qu'on va respecter par la suite au 19e et même au moment où la dissertation devient l'exercice par excellence du lycée et de l'université, c'est-à-dire au lendemain de la Première Guerre mondiale, exercice de référence aussi pour tous les grands examens, le bac bien sûr, mais aussi le CAPES, l'agrégation, l'entrée à l'école normale, etc. Et le nombre de parties, de sous-parties, la présentation, tout ça obéit à des règles extrêmement formelles, bien entendu, qui permettent aussi de structurer, d'organiser sa pensée. Il faut pas l'oublier. C'est un exercice bien français dans une certaine mesure, puisqu'à l'étranger, la dissertation désigne ce que l'on appelle, nous, la thèse. Vous voyez, la dissertation, c'est quelque chose de bien de chez nous, finalement.